Hey, un petit coup de sonde ce matin. Je veux vous consulter un peu par courriel ou par téléphone ou passer à ça. Faut qu'on se jase, l'école rouge. Là, on a une stratégie à décider ensemble, je pense. Les fonctionnaires vont faire ses efforts dans les prochains jours pour la loi 3, la contestation. Ils veulent qu'on paye pour leur fonds de pension. Bon, c'est pas fini, ça, là. On en parle un petit peu moins, hein. Mais il y a une grosse réunion à Montréal en fin de semaine. Dans les derniers jours. Il y a plein d'images, coalitions, et là, ils parlent de plus en plus du grand dérangement. Ils vont faire ça une journée, on sait pas quand. Ils veulent pas nous le dire, mais ils vont cibler une date, et ce sera le grand dérangement à la grandeur de la province. C'est-tu des petites grévettes? Ils vont-tu arrêter de travailler? La stratégie, on la connaît pas, mais ça a l'air qu'on va l'avoir dans les dents, là. Ils vont faire un grand dérangement. Comme d'habitude, je vous le dis, les payeurs de taxes, les contribuables, le monde qui se lève le matin puis qui travaille fort, là, on a zéro porte-parole, pas d'association, pas de manif, on a rien. Nous, on va être des dérangés. On va être ceux qui vont payer la note encore une fois, là. Plusieurs personnes m'ont dit depuis le début de ce débat-là, Butch, on descend-tu dans la rue? On fait-tu de quoi? On serait le fun, il suffit de trouver l'idée, puis juste pour exprimer qu'on est en faveur du gouvernement sur la loi 3, c'est à eux autres à payer en partie pour leur déficit et pas à nous. On n'a pas de fonds de pension, nous autres. Pourquoi est-ce qu'on paierait pour ceux des autres? Bon, je refais pas le débat, là. À matin, je veux jaser stratégie avec vous. Le grand dérangement s'en vient, dans tous les journaux à matin. Là, ça a été décidé hier ou avant-hier à Montréal, ils le font. La date sera, c'est bientôt, là. Puis ils ont des mandats de grève dans certains cas, dans d'autres, ça va-tu être de l'habillage, vont-tu bloquer les routes, manifester, je le sais pas. Moi, je suis prêt, là. Ça fait un bout qu'on est prêt au 93, à réagir. Je vais vous annoncer ce que j'ai ce matin, mais là, je veux vous entendre sur qu'est-ce qu'on doit faire. Je l'entends tellement souvent, ça, des fois. Butch, quand tu dis qu'il y a 70 associations qui vont aller défendre la machine bureaucratique pour la réforme en santé, c'est le chiffre qui est sorti cette semaine qui m'a jeté en bas de ma chaise. Ils vont faire une commission parlementaire. Ils vont être 70 groupes à aller défiler pour dire « Ne touchez pas à la machine, la bureaucratie est importante. » 70. Il y a de la pression sur Moreau, sur Couillard. Vous pouvez pas imaginer, là. Puis les derniers messages des syndiqués à Montréal, leur grosse réunion, c'est « Hey, on lâche pas. On fait juste commencer. Rien n'est exclu. » Ça pourrait brasser. Alors, si vous pensez que les images de l'hôtel de ville saccagé, là, ils ont compris leur leçon puis ils leur feront plus, ils ont donné une haie d'honneur au président du syndicat des pompiers, Ronald Martin. Ça risque, je le souhaite pas, mais ça risque de brasser sale encore. Alors, je vous dévoile le matin ce que j'ai entre les mains depuis un bout. Je garde ça en réserve. Et là, j'ai deux scénarios, là. Mathieu est parti, hein? Le nombre, des milliers, on va dire des milliers, même si on n'a pas le chiffre exact, c'est pas grave. Des milliers d'autocollants en faveur de la loi 3. Ils sont prêts, sont dans nos tiroirs, nos archives, à être distribués gratuitement à vous, l'École Rouge. Je les ai. Ils sont sur mon bureau, il y en a une partie sur mon bureau, l'autre dedans. Fait un bout qu'on les garde. Grosse bobine, Sylvain. On va attendre. S'il se passe plus rien, si les syndiqués décident de négocier, d'argumenter, mais ils brassent plus, sont pas dans la rue à faire des conneries ou des niaiseries parfois, garde, on n'a pas l'affaire à utiliser ça. Hier, ils ont pris la décision de faire un grand dérangement dont on connaît pas encore tous les détails, mais ils vont être là pendant 24 heures. Nous serons les grands dérangés, trompez-vous pas. Alors là, j'ai mes autocollants. Les autocollants, là, t'envoies dans les bus à Québec, ici, là, dans tous les casernes de pompiers, tous les bus du RTC, tous les véhicules, contre la loi 3, là, on en a en face à tous les jours. Ceux, vous les voyez. Hein, vous les voyez, ces chars de police, de pompiers ou partout ailleurs, tapissés. Là, on en a en faveur de la loi 3. On les distribue quand et comment? 670-9330 ou studio à commercial fm93.com. Ma première idée, auquel j'avoue que à date, je renonce. La même journée. La même journée qu'eux, ils font leur grand dérangement. Nous, on fait le les grands dérangés. Ouais. La réaction des grands dérangés, c'est tout le temps nous autres qui payent. Tout le temps. Les plus taxés, imposés, pénal. Les grands dérangés réagissent. La même journée. Puis là, j'ai pensé à ça, je me suis dit, Butch, joue pas leur jeu. Ça va être perçu comme de la provocation. La merde risque de pogner. Mettons qu'il y a une manif, sont à quelque part ici, à Québec. Puis là, il y a quelqu'un qui va aller mettre un autocollant pour la loi 3 pendant que l'autre, il... Anyway, on manque pas de journée. Pourquoi la faire la même journée? Pourquoi pas la faire le lendemain? On le laisse faire le grand dérangement. Anyway, ça se peut que ce soit tout légal. Ils font leurs affaires. Puis le lendemain, on fait la journée des grands dérangés. Et on distribue des milliers d'autocollants. ici à la station ou ailleurs, je sais pas s'il y a des commerces qui veulent embarquer ou des endroits ou s'il y a du monde qui ont des idées de distribution, 670-9330. Mais moi, je pense que la semaine prochaine, il faut passer à l'action. Le grand dérangement, là, je sais pas si quelqu'un peut fouiller. Il n'y a pas de date, hein? Non. Ça se peut-tu la semaine prochaine? Ben, tu vois, on avait entendu parler plus vers la fin du mois. Il y avait la date de l'Halloween qui avait circulé aussi, là, dans les rumeurs, mais, la coalition syndicale dit, nous, on est capable de se revirer de bord à la dernière minute. C'est une de nos grandes forces en tant que groupe syndical. Alors non, ils veulent pas dévoiler la date. Okay. Mais ça va sortir, je suis convaincu, là. C'est rare qu'on n'a pas vent. Si on le fait la même journée, on n'aura pas d'impact. Les médias biaisés syndicalistes vont uniquement axer sur le grand dérangement. Par contre, en le faisant le lendemain, ça devient intéressant. Les médias vont nous parler du grand dérangement pendant une journée au complet. Ils n'auront pas le choix de parler un peu des grands dérangés. Si ça se fait l'Halloween, c'est un vendredi. Tout on parle des syndiqués, parce qu'étant journaliste, on est nous-mêmes syndiqués, fait que il y a une petite solidarité, Butch, faut que tu comprennes. Grosse attention sur le grand dérangement. Le grand dérangé, les autocollants pour la loi 3, bullshit, on parle pas de ça, ils pourront pas. Ça va être trop flagrant comme biais. Moi, je pense stratégiquement qu'il faut faire ça le lendemain. Pas la journée d'avant, parce que si on le fait la journée d'avant, ils vont nous éclipser. Ils sont plus forts que nous. Ben, c'est-à-dire qu'on est plus fort si on décide de se prendre en main. Mais pour l'instant, ils sont mieux organisés que nous. Moi, je le ferais 24 heures tout de suite après le grand dérangement. Ça se peut que ça tombe un samedi. Faut juste le garder en tête. Parce que l'Halloween, c'est un vendredi, là. Fait que ben, s'ils le font un samedi, on fait la journée des grands dérangés le lundi. Marche-tu, ça? Faut que ça soit un jour ouvrable pour l'école rouge. Ah, ouais, parce que l'école rouge, le dimanche, là, l'école rouge se repose, OK? Anyway, on n'est pas en onde. Le lendemain, on demande aux gens de venir à la station, on distribue nos milliers d'autocollants, puis j'aimerais ça qu'il y en ait qui aient des idées. Faut que ça circule, là. On a ça ici, là. J'ai ça au frais ou au chaud, là, depuis un bon bout, là. Téléphone, j'ose avec qui, les gens sont là. 670-9330. Ça ne marche pas, mon système, ici. Hein. Martin, bon matin. Salut. Salut. Moi, je suis pas d'accord qu'on attende. Il faut pas attendre que ta ballonne soit gonflée, là. Faut picasser dedans, puis empêcher qu'elle gonfle. Faut faire ça tout de suite. Ah ouais, pourquoi Martin, tout de suite? Tous les jours. Ben, si on les laisse se crinquer, ça va être difficile de les dégonfler après ça. Là. Ah ouais, ils vont. OK. Il faut les picasser tout de suite, là. Il faut prendre la rue avant qu'ils apprennent dans ce sens-là, là. Ben là, tu sais, il me semble que ils vont se crinquer, puis ils vont se croire, puis après ça, essaye d'arrêter ça. Mais j'ai peur qu'ils parlent pas. Les médias sont biaisés, moi je le crois, là, fortement. Je sais que je n'aide pas ma cause en le disant, mais gars, je m'en sac, là. Si je le fais le lendemain du grand dérangement, par équité, ils n'auront pas le choix de donner la parole un peu au grand dérangé. J'ai l'impression qu'on va avoir une meilleure visibilité. Il va être trop tard. Ah ouais. Il va être trop tard. Il faut le faire tout de suite. Merci Martin, je retiens ça. Regarde, l'argument est bon. J'ai pas pris de décision, c'est pour ça que je vous consulte. 670-9330. J'ose avec Élie. Élie, bon matin. Salut. Yes, on fait quoi avec ça? Ton idée est bonne. Par contre, j'ai peur d'une affaire. Les collants, en général, les cols rouges ne feront pas comme les syndiqués. On n'ira pas les coller sur les bâtisses, ces choses-là. La plupart du monde vont pas se mettre à les mettre dans leur vitre arrière de l'auto ou sur les bumpers. J'ai peur aux vandalistes. Ça fait péter une vitre parce que les frustrés, ils vont être en crise contre ça. Puis, ouais, ben moi, on tolère leurs collants sur les véhicules de police, ces affaires-là, les véhicules de ville. Il y en a quelques-uns qui en mettent sur leur propre véhicule. Il arrive à rien, mais moi, personnellement, l'idée est bonne, mais ça ne mettrait pas sur mon char de peur de me faire vandaliser. Mais Élie, écoute bien. Élie, qui a été arrêté? On s'entend que des autocollants contre la loi 3, il y en a à grandeur de la ville de Québec. Quelle arrestation la police de Québec a fait dans ce dossier-là? Sérieux, là, ils peuvent pas les arrêter. Ils ont rien fait. Il y en a pas. Non, moi, j'ai peur des syndicats frustrés. Ah, OK, ouais. Ils vont vandaliser parce qu'on va mettre ça sur notre char. Ils vont dire, tabarnak, ils appuient pas. Ils vont être frustrés. Ils vont, au lieu d'enlever le collant, ils vont péter à vite. Ou ils vont maganer de quoi pour l'enlever. Ils l'enlèveront pas doucement, d'après moi, le collant. Moi, j'ai peur à ça. Fait que pour ça, je te dis, moi, personnellement, je le mettrai pas sur mon auto. Je souhaite pas que ça arrive. Mais je te dirais, de la manière qu'on les voit agir, on est peut-être vite pas trop leur faire confiance. Merci, Élie. Merci. Le point est très bon. Mais t'es pas obligé. Hey, mais c'est-tu grave? En 2014, on est dans une société démocratique. Un auditeur vient de m'appeler pour dire, Butch, ton autocollant, le mettrais pas sur mon char, j'ai la chienne qu'un syndiqué s'en prenne à moi. Et je peux pas m'ostiner avec, il a peur. Y a-tu raison? Est-ce que sa peur est rationnelle ou pas? Juste le fait qu'il a peur, c'est une nouvelle. On craint les syndiqués. La perception est rendue loin, hein? Ils vont tout s'en prendre. On a vu ce qui a passé à l'hôtel de ville. Ils lançaient des verres, puis tout, puis ils brisaient tout. Ce qu'ils vont faire à mon char si je mets un autocollant. Sacrement! On vit dans une société de même. on jase d'intimidation, puis tout, on dénonce ça partout. Lui, Élie, il est déjà... Je ris pas de lui, là, je le comprends. Il est déjà intimidé. Il n'y a pas tort. Mais maudit! Il n'y a pas tort. Mais on les mettra ailleurs. On les mettra sur des bâtisses, des murs, des poteaux où il n'y a personne qui s'est fait arrêter à Québec contre la loi 3. Nous, les cols rouges, on est pour. On a le droit de s'exprimer de la même façon. J'ai entendu, j'ai même en entrevue, j'ai gardé ça. Chef des pompiers... qui dit que ce n'est pas du vandalisme, mettre un autocollant si on peut le retirer, s'il n'est pas collé de façon permanente avec de la colle. Donc, on est correct. C'est bon pour eux autres, c'est bon pour nous. Téléphone 670-9330. On est en train de faire une petite réunion là, stratégique. J'ai des milliers d'autocollants en faveur de la loi 3. C'est disponible. Là, je veux les donner. Moi, ce que je propose, c'est qu'on attend le grand dérangement des syndiqués, puis on réagit le lendemain ou dans le surlendemain avec la manif des grands dérangés, où on distribue nos collants pour la loi 3. Stéphane, bon matin. Salut. Salut. Écoute, moi, je trouve que de coller des collants même sur les voitures du bien public, c'est pas correct. Fait que je me dis que les grands dérangés pourraient se reprendre à leur tour puis les coller sur leur voiture. Si c'est pas un... Ça, Stéphane, eux autres, ils disent que coller un autocollant syndical sur le camion ou voiture de police n'est pas un crime. Mais c'est moi qui le fais, puis ma cause à moi, c'est pour la loi 3. Est-ce que ça devient un crime parce que là, c'est moi? Puis quand c'est eux, ça n'en est pas un. Cette question-là, là, elle me taraude l'esprit depuis longtemps, mais je veux pas encourager personne à prendre de risques. Moi, là, je vais me distribuer les autocollants et mon conseil, ça va être « faites rien de mal avec ça ». Mais le reste, chaque citoyen va se gouverner, là. Mais on pourrait peut-être se déconner un syndicat des cols rouges. Salut Stéphane, je sais pas ça. Ça va-tu prendre ça? On a rien, les cols rouges. C'est quand la dernière fois à TV que vous avez vu quelqu'un plaider, à part le ministre libéral Moreau, qui fait une très bonne job, là. Honnêtement, là, lui à battre, là, je suis bien, bien confiant. Mais à part Moreau, puis la bombe, tous les autres groupes que vous voyez à TV sont tous contre la loi 3. C'est tout le temps contre. Jase avec qui? Luc, salut! Salut, ça va? Yes, on fait quoi, là? J'ai manqué ton début d'entrevue, là. Pourquoi qu'on n'en fait pas une marche? On en a déjà fait une. On avait 50 000 personnes dans les rues à Québec. Une marche pour cette loi-là, pour le fait qu'on ait été cœuré de payer pour les syndicats. Une marche, c'est pas exclu. Moi, je l'ai dit depuis le début, faut que ça vienne de la base. Faut que les gens me disent, dans le temps, là, quand on a fait la marche des cols rouges, il y avait un sentiment de colère incroyable envers le budget qui avait été passé par Raymond Bachand, qu'on se faisait fourrer. Alors, s'il y en a, moi, j'exclus pas ça. Mais commençons par distribuer des autocollants. Je pense que j'en ai 10 000. Si je suis pas capable d'en donner 10 000, puis les gens s'en servent pas, puis qu'il n'y a pas un petit impact, tu sais, c'est coller un autocollant, là, ça demande moins de temps que d'aller marcher dans la rue. Moi, je commencerai avec ça, mais je n'exclus pas la marche. Luc, on verra. Je suis d'accord avec toi. Par contre, la personne qui est intervenue tantôt, mentionnant qu'un autocollant sur son véhicule, il a peur de le faire vandaliser. Honnêtement, moi aussi, j'aurais cette crainte-là. Hey, c'est pas drôle, Luc. Ça. C'est terrible de dire ça. Puis je m'ostine pas avec toi, là, mais c'est épouvantable. Je reçois des courriels dans le même sens, Sylvain. Là. Mm. Non, mais les syndiqués, il y a des lois au Québec, maudite merde. Ils n'ont pas le droit de s'en prendre à votre char. Oui, t'as raison, il y a des lois, mais tu l'as vu à Montréal, là, quand ils se sont énervés, la police était là, les deux bras croisés, ils laissaient faire. Puis pourtant, la police est là pour la faire respecter, la loi, puis ils laissaient faire, puis ils vandalisaient tout. Fait que tu penses-tu que moi, mettre ça sur mon char, que je me fais casser à vite, qu'ils vont faire de quoi pour moi, le petit citoyen trou de cul qui travaille... je sais, merci. 40 heures, 80 merci. Heures semaine. Non. Merci d'avoir appelé, ça me décourage. On va les mettre ailleurs. Moi, je vais les donner, les autocollants, pareil. Il n'y a pas juste ces chars qu'on peut y mettre, là. Mais on va commencer par ça. En prends-tu dernier, 8h26. J'ai peut-être le temps. Jocelyn, salut! Bonjour, Sylvain. Je m'excuse de te déranger ce matin. Garde, là. Faut arrêter d'avoir peur. Faut se tenir. Je suis pour commencer avant qu'eux autres tombent en grève. On donne les autocollants avant eux autres? Oui, puis la marche et beaucoup d'activités. Faut se tenir. Faut arrêter de toujours se prendre pour des boutons, là. Ouais, on pourrait pourquoi attendre après eux autres? En plus, là, si on le fait le lendemain, ça va être là. Dans le fond, je pourrais faire les grands dérangés avant le grand dérangement. Moi, puis je genre, lundi, mardi, on starte ça, les autocollants sont disponibles, venez chercher ça, puis go. Ça va être plus positif, ça va les affaiblir dans leur démarche, parce qu'ils vont voir qu'ils sont pas si approuvés que ça. Merci Jocelyn. Parfait. J'aurais le goût d'en prendre un autre petit dernier, je vois les lignes qui surchauffent, là. Sinon, studio à commercialfm93.com. On est en réunion, là. Tu sais, il y a pas beaucoup de, les cols rouges, là. Quand même que je loue une salle, puis que je veux vous réunir, ça marche pas. Bon, on est en réunion, là. Il y a pas de proposeurs puis de secondaires, là. C'est ben open. Je termine avec tu veux, j'aille à pause, hein? OK. On garde, on suspend la réunion. C'est d'autres choses qui s'en viennent. C'est Jean qui m'aime. Continuez, c'est toujours ça. Continuez d'appeler ou encore de nous écrire à 8h27.